ciel de Berlin. On part avec ces paroles-là, OK? OK. Pourquoi accepter un sort aussi dégueu? Comme un chien, qu'elle a serré dans le verre.